Derrière toi, où tu la perds. Viens, mes folies et moi, nous allons vous chanter un bel épitalame.

cette belle une chanson morale pour la perdre plus sûrement. Devant la maison de celui qui t'adore, de celui qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu dès l'aurore? Que fais-tu, que fais-tu, que fais-tu? Au signal du plaisir dans la chambre du gris, tu peux bien notre fille, tu peux bien notre fille, et nos filles à sortir, et nos filles à sortir. Dans la maison, que celui qui t'adore, que celui qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu dès l'aurore? Que fais-tu, que fais-tu, que fais-tu? Ah! Il te tend les bras près de lui, tu lui cours vite. Tu cours près de lui, tu lui cours vite. Bonne nuit, ne lasse pas, petite bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Près du moment fatal et grande résistance, s'il me t'offre d'avance, s'il me t'offre d'avance, s'il me t'offre d'anneau conjugal, d'anneau conjugal. Thank you. Yeah. Thank you.

les passés sont déjà pour elle. As-tu peur pour nous? Thank you. Oh.